La quista, et donnez-nous la quista. Oh, la quista. Eh, je veux la quista. Soul King, Chris, Carnaval, Honesta. Et donnez-nous la quista. Oh, la quista. Eh, je veux la quista. Soul King, Chris, Carnaval, Honesta. Aïe, aïe, aïe. Récupère ma quiche terop pendant que tu pompes l'op. Ya ya, dans son boule c'est la noyade. J'mets des lunettes comme George Weah. Transfert quiche ta moulaga. Milano, Copenhague, Almeria. J'suis au travail, à Dubaï j'suis au travail. J'suis au travail, et même sur la lune j'fais la quiche ta. Et donnez-nous la quiche ta. Oh la quiche ta. Eh, j'veux la quiche ta. Soul King, Hus, Carnaval, Honesta. Aïe, aïe, aïe, aïe. Benefo Max. Aïe, aïe, aïe, aïe. Benefo Max. Quiche ta Gucci, Sima, hashtag j'ai timbalé, Michto. Inzaghi, Pipo, roule un wange de butard, popé. J'la à Miami. Les types font de la maille. Les deux puces font la maille. À Paname, au Québec, en Hollande. La pute est collante, la bœuf est collante. La et donnez-nous la quichta. Oh, la quichta. Eh, je veux la quichta. Soul King, Chris, Carnaval, Honesta. Aïe, aïe, aïe, aïe. Benefo Max. Aïe, aïe, aïe, aïe. Benefo Max. Elle le sait, ce soir tout ce qu'on a ramassé. Elle le sait, demain on va recommencer. Elle le sait. La quichta. Et donnez-nous la quichta. Oh la quichta. Eh, je veux la quichta. Soul King, Chris, Carnaval, Honesta.